pourrait adapter le fameux slogan contre l'alcool « Boire ou conduire, il faut choisir » et le reformuler pour le cannabis « Fumer un pétard ou conduire, il faut choisir ». Environ 115 personnes meurent chaque année sur les routes, avec comme cause directe le cannabis, soit environ un tué tous les 3 jours. Conduire sous l'effet du cannabis double le risque d'être responsable d'un accident mortel, et la combinaison cannabis plus alcool multiplie ce risque environ par 15. Réponse A.